إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Que toutes les louanges soient à Allah, le Seigneur de tout l'univers et de tout ce que contient cet univers, et que les prières et le salut d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sur toute sa famille qui est pure, sur tous ses compagnons qui sont véridiques, qu'Allah les agrée tous, et sur tous ceux qui les suivront à la perfection jusqu'au jour de la résurrection. La meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah, le Très-Haut, et la meilleure des guidées, des voix, et la voix de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses sahaba. Et les plus mauvaises choses sont toutes les choses inventées dans la religion complète d'Allah. Et toute chose inventée dans la religion complète d'Allah afin de se rapprocher d'Allah est une innovation religieuse. Et toute innovation religieuse est un égarement. Et tout égarement mène au feu de l'enfer. Alaykoum salam. Nous allons, inchallah, terminer aujourd'hui les explications du premier hadith des Arba'in al-Nawawiyyah. Selon Omar ibn Khattab radiallahu anhu, qui a dit: Sami'atu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul innama al-a'mal bin-niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Muttafaqun alayhi al-hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih. Et on avait vu que le fait que c'est rapporté par Bukhari et Muslim, c'est le plus haut degré d'authenticité. C'est plus fort qu'un hadith qui est rapporté seulement par Bukhari ou seulement par Muslim. Bien que les hadiths qui sont rapportés dans le Sahih du Bukhari ou dans le Sahih du Muslim sont aussi authentiques, mais en termes de force, c'est Bukhari et Muslim ensemble. Donc nous avons terminé, nous avons déjà fait dans le premier cours les explications de Cheikh Ubayd Jabri, hafidhahullah. Puis j'avais pris d'autres explications, notamment de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, sur les fawaid, sur certains points, pour compléter avec la précédente explication. Des points en plus, des fawaid en plus, des savants de la sunna, c'est toujours bien pour nous. Donc nous allons inchallah terminer quelques points des fawaïd de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Puis nous allons voir quelques points des fawaïd en plus des explications de Cheikh Salih al-Sheikh Hafidhahullah. Donc nous avons déjà vu c'était quoi la hijra, la définition. Donc il dit le Cheikh: wa innama li kulli imri'in ma nawa. Parce que nous étions arrivés, en fait, à la parole du Cheikh, à la faïda du Cheikh, concernant, en fait, que la niya, on ne doit pas la faire à voix haute, ni à voix basse, d'accord ? Mais on doit la faire à l'intérieur. Parce que c'est une bid'a de la faire à voix haute. Et il disait le Cheikh que s'il y a quelqu'un qui fait à voix haute, il dit, par exemple, Nawaitu salat al-dhuhr, ou bien Nawaitu salat al-asr. On avait rapporté notamment une anecdote de ce qu'avait dit le Cheikh. Il avait dit: wa yudhkar anna 'amiyan min ahli Najd. Quelqu'un des gens de la masse qui vient de la région du Najd d'Arabie Saoudite. Kana fil masjid al-haram. Donc il était dans la mosquée sacrée. Arada an yusalli salat al-dhuhr. Il voulait prier la salat du dhuhr. Wa ila janibihi rajulun la ya'rifu illa al-jahr bin-niyyah. Et il y avait à côté de lui quelqu'un qui faisait à chaque fois l'intention à voix haute. ولما أقيمت صلاة الظهر قال الرجل الذي كان ينطق بالنية اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات لله تعالى خلف إمام المسجد الحرام. Donc il a dit, il s'est mis à dire, oh Allah, j'ai l'intention de prier la prière du dhuhr de 4 rak'at derrière l'imam de la mosquée sacrée à la Mecque. ولما أراد أن يكبر قال له العامي, et lorsqu'il a voulu, il a voulu commencer à faire takbirat al-ihram pour commencer la salat, celui qui était qui faisait partie des gens du commun, hein, lui a dit, asbir ya rajul, baqi alayka at-tarikh wal yawm wal shahr wal sana. Fata'ajjab ar-rajul. Et donc il lui a dit, attends, t'as oublié de dire la date, le mois et le jour et l'année. Et donc l'autre qui faisait la niya à voix haute, eh bien, il était yani, stupéfait de ça. Et parce que ça fait pas partie de la religion d'Allah Azza wa Jal. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait, ne l'a jamais enseigné comme cela. Et puis il avait mentionné une mas'ala qui était très intéressante. وَهُنَا مَسْأَلَا إِذَا قَالَ قَيْلٌ قَوْلَ الْمُلَبِّي لَبَّيْكَ اللَّهُمْ عُمْرَةً. Donc si, lorsque celui qui vient pour faire la umrah, ou bien faire le hajj, il dit labbayk allahumma umra ou bien hajja, il y en a, ils vont dire, mais ça c'est une niya. Donc c'est une chose, ça, il va dire ça c'est une niya, il l'a dit à voix haute, donc pourquoi il l'a dit ici? Mais ceci, ce n'est pas une niya. Ils ont dit les ulama que la talbiya, le fait que tu dises la talbiya pour que tu te mettes en état de sacralisation, d'accord, c'est le même point, d'accord. كما أنه لو لم تكبر تكبيرة الإحرام للصلاة ما أنعقدت صلاتك ولهذا ليس من السنة أن نقول ما قاله بعضهم اللهم إني أريد نسك العمرة, d'accord. Donc le fait de dire la talbiya, c'est comme la تكبيرة الإحرام, c'est pas une niya. C'est pas une niya, takbirat al-ihram. C'est ce qui te permet de rentrer dans la salate. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, maftah as-salat at-tuhur tahrimuha takbirat al-ihram wa tahliluha at-taslim. La clé de la prière, c'est les ablutions, tout ce qui rend interdit à faire, c'est-à-dire de manger, de parler, de rire, de parler autre que ce qui est légiféré, de rire ou de se retourner ou faire quoi que ce soit. Ce qui rend interdit tout ça, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Et en disant Allahu Akbar, tu rentres dans la salat. Donc tu n'es pas rentré dans la salat tant que tu ne fais pas takbirat l'ihram. Eh bien, c'est le même cas pour la talbiya. Si tu ne fais pas la talbiya, tu ne te mets pas en état de sacralisation. D'accord? Et s'il y en a qui disent, oh Allah, j'ai l'intention de faire une umrah, accepte de moi et tout cela, ça c'est interdit de dire cela parce que ça ne fait pas partie de la sunna, parce que ça c'est niya. Et le fait qu'ils disent à voix haute, ce n'est pas permis. C'est pour ça qu'il disait le cheikh rahimahullah, ولهذا ليس من السنة أن نقول ما قاله بعضهم اللهم إني أريد نسك العمرة أو أريد الحج فيسره لي. Ça ne fait pas partie de la sunna de dire « Oh Allah, je veux faire le hajj, facilite-le-moi. » D'accord ? Lorsque tu te mets en état de sacralisation. Lorsque tu te mets en état de sacralisation, tu fais la talbiya, mais tu ne te mets pas à rajouter cela. « لِيَنَا هَذَا ذِكْرٌ يَحْتَاجِ إِلَى دَلِيلٍ وَلَا دَلِيلٍ. » Parce que le fait de dire ça, de faire ce dhikr-là, si on veut faire ce dhikr, donc ça nécessite une preuve. Donc si tu veux faire quelque chose, tu dois rapporter ta preuve. Mais il n'y a pas de preuve sur cela. Idhan unkiru ala man yuntiqu biha walakin bihudu. Donc celui qui dit cela, eh bien on lui dit de ne pas le faire, mais de façon calme, on ne s'acharne pas sur lui. Juste on lui dit de délaisser cela parce que ça ne fait pas partie de la religion d'Allah Azza wa Jal. Walakin bihudu bi an aqulu lah يا أخي هذه ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فدعها. Tu lui dis, écoute, ce que tu viens de dire là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais dit, donc délaisse-la. Ni ses compagnons, donc délaisse-la. Fa'idha qala. Donc s'il se met à dire, qalaha fulan fi kitabihi al-fulani. Il y a un tel qui l'a dit dans son livre, un tel. Faqul lah al-qawl ma qala Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu réponds lui, eh bien nous ce que nous suivons, ce que nous disons, c'est Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. C'est pas un tel ou un tel ou un tel qui a écrit. Si Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alhamdoulilah. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de preuve. Yani, on ne le regarde pas et on ne n'y prête pas attention. Wa innama li kulli imri'in ma nawa. هذه هي نية المعمول له والناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما حيث تجد رجلين يصليان بينهما أبعد مما بين المشرق والمغرب أو مما بين السماء والأرض في الثواب سبحان الله. Donc il dit, et dans la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que chacun sera rétribué en fonction de son intention. Ça, c'est en fonction de ce que l'individu, comment il va agir, lui, dans l'acte d'adoration qu'il va faire. Et il a donné l'exemple, il peut y avoir deux musulmans qui prient, mais dans la récompense, pourtant ils font la même salate, mais dans la récompense, ils se dépassent l'un de l'autre, et ils sont loin l'un de l'autre, comme l'Est et l'Ouest. D'accord ? Comme l'Est et l'Ouest. Ou comme les cieux et la terre, en termes de récompense. Il y en a un qui va être très récompensé, d'autres qui ne vont pas du tout être récompensés, parce qu'il va avoir complètement la tête à l'ailleurs, il va y avoir ailleurs et tout cela. لِأَنَّ أَحَدُهُمَا مُخْلِسْ وَالثَّانِ غَيْرَ مُخْلِسْ Subhanallah. Et là, il donne l'explication. Barakallahu fikum. Il dit, parce que l'un d'entre eux est sincère et l'autre n'est pas sincère. Il y en a un, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire pour que les gens le voient ou la disent de lui, etc. Et l'autre, il est sincère. Donc entre celui qui est sincère, qui fait sa salate, et celui qui ne l'est pas, eh bien la récompense diffère. Pourtant, ils font le même acte d'adoration, mais ils diffèrent en termes de récompense. Et comme on avait dit, barakallahu fik l'ahsan, il y a une différence entre la niya et l'ikhlas. L'intention et la sincérité. Différence entre intention et sincérité. Donc vas-y, réexplique-nous vite fait succinctement, inshallah. Il vient de débarquer, inshallah. Donc entre intention et sincérité, on avait dit que c'est pas la même chose. Si quelqu'un a l'intention, ça ne veut pas dire qu'il est sincère. D'accord ? Ce qu'on avait dit, les sahaba, ils viennent faire la salate, ils sont sincères, et les munafiqin, ils viennent faire la salate. Les deux, ils ont l'intention. D'accord ? Lakin hadha khalis mukhlis lillah wa hadha munafiq. Et l'intention dans le shara, c'est le fait que tu fais un acte d'adoration, tu as l'intention de faire tel acte d'adoration pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? Et espérer la récompense. Ça, c'est la définition dans le shara, dans la législation. Tandis que le munafiq, c'est-à-dire en point de vue de définition linguistique, le croyant et le munafiq, ils sont au même stade en termes d'intention, au point de vue linguistique. Parce que c'est juste avoir un but. Lui, il a le but de venir prier en groupe, ou lui, il a le but de venir prier en groupe. Selon la législation d'Allah Azza wa Jal, il diffère. Lui, il a le but de venir prier en groupe, mais il ne recherche pas la récompense d'Allah Azza wa Jal et ne la souhaite même pas. Il ne la cherche même pas. Aucune sincérité. Voilà. C'est parce que il veut, yani, ça, c'est pas ça qu'il recherche. Non. C'est juste la dunya où que les gens le voient, etc. Wahada, qui est mukhlis lillah, lui, selon la législation, donc il recherche son but de venir prier en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal et en espérant qu'Allah Azza wa Jal pardonne les péchés qu'il y a eu entre eux, cette salette là et celle qui l'a précédée, et il espère de se rapprocher d'Allah. Donc il y a une différence entre comme les cieux et la terre. D'accord, barakallahu fikum. Wa tajid shakhsayn yatluban al-'ilm fi at-tawhid aw al-fiqh aw at-tafsir aw al-hadith ahaduhuma ba'id min al-jannah. Et il y a deux personnes. Ils étudient la science du tawhid, la croyance. Ils étudient le fiqh. Ils étudient l'exégèse du Coran. Ils étudient la science du hadith. Il y en a un qui est loin. Pourtant, les deux, ils étudient. Mais il y en a un qui est loin du paradis et l'autre qui est très proche. وَهُمَا يَقْرَأَنَ فِي كِتَابِ وَاحِدٍ. Et ils lisent dans un seul livre. Par exemple, ils ont un livre où est-ce qu'ils étudient. Ils ont le même livre pourtant, d'accord ? وَعَلَى مُدَرِّسْ وَاحِدٍ. Et c'est un enseignant qui leur transmet cela. فَهَذَا رَجُلْ تَلَبَ دِرَاسَةِ الْفِقْهِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا وَالْقَاضِ لَهُ رَاتِبْ رَفِيعٌ وَمَرْتَبَ رَفِيعٌ. Donc il dit, il y en a un qui étudie, pourquoi ? Sa niya, c'est quoi ? C'est parce qu'il veut devenir un juge et que le juge, il a un salaire très élevé et il a, au sein des gens, une bonne perception, d'accord ? Il a un haut degré dans la société. والثاني درس الفقه من أجل أن يكون عالما معلما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. Et l'autre, il a étudié le fiqh afin d'avoir le savoir le plus correct, afin de devenir un savant et d'enseigner pour la communauté de prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. فبينهما فرق عظيم. Donc entre deux, il y a un écart qui est énorme. قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما وهو ما يريد إلا أن ينال عردا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. إذا أخلص النية لله عز وجل. Donc il rapporte ici le cheikh un hadith du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم qui dit que celui qui recherche la science dans le but d'atteindre quelque chose de ce bas monde, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Et donc, sois sincère dans ton intention que tu l'as fait que pour Allah Azza wa Jal seul. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالمهاجر فقال فمن كان هجرته. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple concernant celui qui fait la migration. Et il a dit celui qui fait la migration. Al-hajr fi al-lugha ma akhudha min al-hajr wa huwa at-tark. Mais ça on va le revoir, donc c'est pour ça que je vais pas insister dessus avec l'explication de Cheikh Salah al-Sheikh, parce qu'on a déjà vu la définition dans le détail avec Cheikh Ubaid hafidhahullah. Donc ce sera toujours un rappel, hein. Donc l'hijra fi l'ura, linguistiquement, l'hijra c'est ma'khoudha min al-hijr wa huwa at-tark. Ça provient du fait de délaisser. D'accord ? De délaisser, s'éloigner. Wa amma fi ash-shar'a fa hiya l'intiqal min bilad al-kufr ila bilad al-islam. Dans la législation, ça veut dire partir d'une terre de mécréance vers une terre d'islam. وهنا مسألة هل الهجرة واجبة أو سنة. Donc on avait déjà vu ce point là avec l'explication de Cheikh Ubaid et ils ont la même explication ici. Donc est-ce que la hijra est obligatoire ou est-ce que c'est une sunna? الجواب أن الهجرة واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلاد الكفر. La hijra, la migration, de partir vers un pays musulman et délaisser un pays mécréant, est obligatoire pour tout musulman qui ne peut pas faire apparaître les rites de l'islam, d'accord ? Qui ne peut pas faire apparaître sa religion tranquillement dans les pays de mécréants. فلا يتم إسلامه إلا بالهجرة. Il ne peut faire appliquer son islam correctement uniquement en faisant la migration. وَمَا لَا يُتِمُّ الْوَاجِبْ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبْ. Et lorsqu'on ne peut appliquer une chose obligatoire, excepté par cette chose obligatoire, ça devient obligatoire, c'est obligatoire. D'accord ? C'est-à-dire que la hijra, elle est obligatoire. Appliquer sa religion, c'est obligatoire. Mais le problème, c'est qu'en étant dans un pays mécréant, tu ne peux pas appliquer ta religion correctement. Tu es par crainte, tu te sens pas en sécurité, tu as peur que si tu fais comme ça. Jusqu'à ce que certains, je m'en souviens quand j'étais au Royaume-Uni, subhanallah, des frères me donnaient un conseil, soi-disant. Mais c'est pas un conseil, barakallahu fik. Mais ça, ce n'est pas un conseil. D'accord ? Ça, c'est les conseils, ils peuvent se les garder, subhanallah, pour eux qui aiment cette dunya. Ils venaient me voir, ils me disaient, « Akhi, t'es toujours en kamis, etc. etc. » Et ils utilisent des versets qu'ils ne comprenaient pas. Faut pas que tu te pousses à la destruction. Je dis, subhanallah, quelle destruction tu parles ? Ils me disaient, « Oui, mais parce que voilà, t'es comme ça, t'es en kamis, tu marches en kamis, t'es comme ça en kamis, et tout cela, et puis les gens, ils te voient et tout. » Et alors ? Où est le problème ? Je veux dire, « Alhamdoulilah. » La sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il en est fier. Et il me dit, non, mais tu risques d'avoir des... Mais, subhanallah, bon, au Royaume-Uni, je voulais dire, c'est différent d'ici. Tu marches avec le kamis, personne n'est venu t'agresser ou quoi que ce soit. Donc eux, ils ne se sentent pas en sécurité. Donc si cet individu ne se sent pas en sécurité... Donc il faut qu'il quitte ces pays de mécréants et qu'il aille vivre dans un pays musulman. Ou est-ce que là, il va pouvoir appliquer sa religion sans qu'on lui fasse des problèmes. D'accord ? Et, barakallahu fikum, on avait également souligné le point que Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Matrali, Hafidhahullah, d'ailleurs dans l'audio, je disais, rahimahullah, qu'Allah ait miséricorde sur lui également, et Hafidhahullah, qu'Allah le préserve, c'est un grand savant de la sunnah. Il a dit que l'ouala ou al-bara, l'alliance et le désaveu qui est dans la ilaha illallah, ne se concrétise pour le musulman que lorsqu'il quitte les terres des pays mécréants pour vivre en islam. Comme ça, il s'est complètement désavoué des mécréants. Parce que c'est le désaveu des mécréants et des polythéismes. Et des polythéistes et de leurs adorations. Tu t'en désavoues physiquement et avec la croyance. Et là, il a dit, on le concrétise complètement lorsque on quitte les pays mécréants et on va aller vivre dans les pays musulmans. D'accord ? Donc, il dit, donc, c'est ce qu'il explique notamment le cheikh ici, celui donc qui ne peut pas appliquer sa religion avec tranquillité et sécurité dans un pays de mécréants, la hijra est obligatoire pour lui. D'accord ? وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كهجره المسلمين من مكه الى الحبشه. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? C'est que il a donné l'exemple comme les musulmans au départ, ils ont fait la hijra, ils ont quitté la Mecque qui était un pays, qui était une terre, parce que qui était un pays où vivaient les mécréants, c'était mécréant à cette époque-là, la Mecque. Et donc ils l'ont quitté et ils sont partis dans un pays où est-ce que les injustices et les oppressions envers les musulmans étaient moindres. D'accord ? Mais l'Habesha, c'était aussi un pays mécréant. Cependant, en se dirigeant là-bas, ils n'avaient pas les oppressions qu'ils subissaient dans un autre pays mécréant. Donc c'est également d'un pays où est-ce que ces mécréants qui font des oppressions aux musulmans vers un pays qui est mécréant aussi, mais où est-ce qu'il n'y a pas d'oppression contre eux, les musulmans. D'accord ? Et d'ailleurs, ils avaient la sécurité du roi. Yani de celui qui les dirigeait, qui dirigeait leur peuple, de leur gouverneur. D'accord. فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. كرجل انتقل من مكة قبل الفتح الى المدينة يريد الله ورسوله اي يريد ثواب الله ويريد الوصول الى الله كقوله تعالى وان كنتن تريدن الله ورسوله. اذا يريد الله أي يريد وجه الله ونصر الدين الله وهذه إرادة حسنة. Donc, il donne l'exemple. Donc, celui donc qui fait la hijra pour Allah et son envoyé. Cette hijra, cette migration lui sera comptée pour Allah et son envoyé. Il a dit comme l'homme qui est parti donc de la Mecque avant l'ouverture de la Mecque. D'accord ? Avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ouvre la Mecque. Il est parti, il a quitté la Mecque pour rejoindre le Médina, Médine, voulant par cela Allah et son envoyé. Donc ça veut dire quoi ? Il avait dit, donc ça veut dire qu'il veut la récompense d'Allah et il veut al-wusul ila Allah, il veut par cela le faire pour Allah azza wa jal. Et souhaiter la récompense d'Allah Azza wa Jal. Comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-Ahzab, le verset 29. Si vous voulez, Allah est son envoyé. Donc, Il veut Allah, il recherche par cela, il le fait que pour Allah. Et comme il l'a expliqué plus haut, il veut donner la victoire à la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc il veut, il le fait pour le visage d'Allah Azza wa Jal, pour la victoire de sa religion. Et cela, c'est un choix qui est bon. Et il veut par cela aussi l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, liyafouzu bi suhbatihi, afin de gagner le fait qu'il devient un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? De l'accompagner aussi, donc d'être avec lui, à ses côtés. Wa ya'mal bi sunnatihi, et qu'il agit sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa yudafi' anha, et il la défend. Subhanallah. Regardez, et il la défend. Wa yudafi' anha. C'est pas aujourd'hui les gens ils se moquent de la sunna, ou de la sunna apparente, ou de la sunna le qamis, la barbe. Il a rien compris celui-là. Comme il y a un ikhwan, il dit, il voit quelqu'un avec le qamis et la barbe, il dit, celui-là il a rien compris. Subhanallah. Il donne la victoire à la religion d'Allah, Azza wa Jal, celui-ci. Wa yudafi' anha. Et il donne, et il la défend. Wa yad'u ilayha. Et il invite les gens à la sunna. Wa dhibbu anha. Il la défend. Wa nusrat dinuh. Et il donne la victoire à sa religion. فَهَذَا هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُهُ. Donc celui qui a fait ce, qui a fait cela avec cette intention-là, qui le fait pour Allah, pour donner la victoire à la religion d'Allah, pour accompagner le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, défendre sa sunna, yani inviter les gens à la sunna, et bien celui-ci aura fait, s'il a fait cette migration-là de la Mecque avant l'ouverture de la Mecque vers Médine, eh bien, il aura cette récompense-là qu'il l'a fait pour Allah et son messager. Wallahu ta'ala yaqul fil hadith al-Qudsi, et Allah Azza wa Jal dit dans le hadith al-Qudsi, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhar'an. Donc Allah Azza wa Jal dit dans le hadith al-Qudsi, quiconque s'approche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. فإذا أراد الله فإن الله تعالى يكافيه على ذلك بأعظم مما عمل. Donc celui qui veut Allah Azza wa Jal, eh bien Allah Azza wa Jal lui rétribuera quelque chose de meilleur pour ce qu'il a fait. Le fait de le vouloir le faire cette hijra pour Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal lui donnera, hein, lui rétribuera d'une façon meilleure. Wa huna mas'ala, et ici il y a une question. بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن نهاجر إليه عليه الصلاة والسلام؟ Donc après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on peut faire la hijra vers l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Le jawab, أما شخصه sallallahu alayhi wa sallam فلا. Si tu le fais pour la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, pour la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, non, tu ne le fais pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que pour sa personne. Après sa mort, tu ne peux pas le faire en tant pour sa personne, parce qu'il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. ولذلك لا يهاجر إلى المدينة من أجل شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. Et c'est pour cela que la migration n'est pas faite à Médine pour la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأنه تحت الثرى. Parce qu'il est sous terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Donc je ne peux pas dire que je vais faire la hijra à Médine pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, sallallahu alayhi wa sallam, mais il est sous terre. وأما الهجرة إلى سنته وشرعه صلى الله عليه وسلم فهذا مما جاء الحث عليه. Tandis que faire la migration pour la sunna du prophète Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم et sa législation, c'est ce qui est encouragé, ce qui est demandé à faire. D'accord. فالهجرة إلى الله في كل وقت وحين. Donc faire la hajra pour Allah, ça c'est en tout temps et en tout lieu, d'accord? Wal hajra ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li shakhsihi wa shari'atihi hala hayatihi. Hala hayatihi. Donc tandis que faire la hajra pour être en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, défendre sa sunna, donc pour être en compagnie pour la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est durant son vivant. Donc après sa mort, Tu fais la hijra uniquement pour la législation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? نظير هذا قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Donc il dit, et justement ce qui supporte cela, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal qui dit, si vous différez sur quoi que ce soit, retournez-le à Allah et à son messager. فردوا إلى الله دائما. Retournez-le à Allah, c'est toujours. D'accord ? Il y a une divergence. On le retourne à qui ? À Allah et à son messager. Donc il dit, donc le fait de le retourner à Allah, ça c'est toujours. Wa ila rasul nafsu fi hayati. Donc le retourner au messager pour qu'il nous juge sur notre divergence, ça c'est durant son vivant. D'accord ? Tu peux pas venir à la tombe lorsqu'il y a eu la fête entre les sahaba, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne sont pas partis à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant voilà, on a un problème, juge entre nous. Non. Ça s'est jamais passé, ça. D'accord ? Il a complété sa religion. Non, mais il est mort. Donc là, le fait de retourner au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour un différent, ça c'est durant sa vie. Wa ila sunnatihi ba'da wafatihi. Mais retour à la sunna, c'est après sa mort. C'est pour ça qu'on comprend maintenant le verset. Si vous divergez sur quoi que ce soit, d'accord, retournez-le, retournez-le à Allah et à son envoyé. Retournez-le à Allah toujours, d'accord. C'est la parole d'Allah, le Coran. Et la parole d'Allah, on a dit que le Coran, c'est quoi? Ça fait partie de quel type de tawhid? Tawhid, l'asma wa sifat. Ça fait partie des attributs d'Allah, Azza wa Jal. Donc on le retourne à Allah toujours. Ouais. Il a le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, à son envoyé, à sa personne durant son vivant, parce que dès qu'il était vivant, pour qu'il juge entre les gens, mais après sa mort, c'est à sa sunna qu'on le retourne. Donc là, après sa mort, dès qu'on dit retournez-le à Allah et à son messager, ça veut dire au Coran et à la sunna. D'accord ? فَمَنْ ذَهَبَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ ليتعلم الحديث فهذا هجرته الى الله ورسوله. Celui qui part d'un pays à un autre pour apprendre le hadith, celui-ci a fait la hijra pour Allah et son envoyé. ومن هاجر من بلد الى بلد لامرأة يتزوجها بان خطبها وقالت لا اتزوجك الا اذا حضرت الى بلدي فهجرته الى ما هاجر اليه. Donc il dit, mais celui qui est parti d'un pays à un autre pour une femme avec qui il a demandé la main, et que la femme lui a dit, je ne te marie pas, excepté si tu viens vivre dans le pays où que je vis. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est parti vivre dans ce pays musulman. Donc là, il n'a pas fait une hijra pour Allah et son envoyé. D'accord. Mais sa hijra, c'est pour ce qu'il a eu l'intention. C'était quoi? C'était pour vivre avec cette femme-là. D'accord. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُسِيبُهَا. Quiconque donc fait la hijra pour un bien, pour atteindre un bien de ce bas monde. بِأَنَّ عَلِمَ أَنَّ فِي الْبِلَادِ الْفُلَانِ تِجَارَ رَابِحَ فَذَهَبَ إِلَيْهَا مِنْ أَجْلِ أَنْ يَرْبَحَ. Par exemple, il sait que dans tel pays, s'il fait tel business, ce sera un gain, un très bon gain pour lui. Il fera beaucoup de bénéfices. D'accord ? فذهب إليها من أجل أن يربح. Donc il est parti pour avoir des bénéfices énormes. فهذا هجرته إلى دنيا يصيبها وليس له إلا ما أراد. Donc celui-ci aura seulement, donc il aura fait ça pour quelque chose de cette dunya là, de ce bas monde là, afin d'atteindre quelque chose de ce bas monde, et donc il n'aura rien excepté ce qu'il a voulu. Il a voulu ces bienfaits-là, ces gains-là, ces bénéfices-là, eh bien, il n'aura que ça. Il n'aura pas la hijra pour Allah et son messager. Donc, il dit, « Min fawaid hadha al-hadith. »« Min fawaid hadha al-hadith. » Parmi les bénéfices de ce hadith-là. « Hadha al-hadith, ahad al-ahadith allati alayha midar al-islam, wa lihadha qal al-ulama midar al-islam, ala hadithayn. » Donc lui, il a dit hadithain, tandis que Cheikh Ubaid a dit 3 hadiths. Et Cheikh Salah al-Fawzan a dit 5 hadiths. Donc, mais ça tourne autour de ces deux hadiths-là, qui sont ce hadith et celui-ci, quiconque, donc son intention est pour Allah, de la hijra est pour Allah, innama al-a'mal bin-niyyat, les œuvres, les actes ne valent que par leur intention. Ce hadith-là. Ou hadith Aisha, le deuxième c'est le hadith de Aisha, qui est le cinquième hadith de l'Arba'in Nawawiyya là. Man 'amila 'amalan laysa 'ali amruna fa huwa radd. D'accord ? Quiconque fait une œuvre qui ne provient pas de notre ordre sera rejeté. C'est la version de Muslim, Sahih Muslim, c'est cette version-là que je viens de citer. Fa hadha al-hadith 'umdat a'mal al-qulub. D'accord ? فهو ميزان الأعمال الباطنة وحديث عائشة عمدة أعمال الجوارح. Donc ce hadith là, إنما الأعمال بالنيات inclut les œuvres du cœur. D'accord? إنما الأعمال بالنيات inclut les œuvres du cœur. Les actes ne valent que par leurs intentions. Ce sont les œuvres du cœur. Premier point. Tandis que le hadith de عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Quiconque fait une œuvre qui ne provient pas de notre ordre sera rejeté. Eh bien ça, c'est Umdat A'mal al-Jawarih. Ce sont les œuvres du corps des membres. D'accord ? Les œuvres du corps des membres. Donc, le hadith, Innama al-A'mal bin-niyyat, les œuvres ne valent que par leurs intentions. Ce sont les œuvres du cœur. Et le hadith de Aisha, Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa radd, quiconque fait une œuvre qui ne provient pas de notre ordre sera rejeté. Eh bien, ce sont les œuvres des membres. Il fait une œuvre. Il fait une œuvre dans le hadith de Aisha. Il fait une œuvre. Donc, c'est avec les membres. Tandis que le premier hadith, c'est les intentions. Tu ne peux pas le faire avec les membres. D'accord ? Puisqu'il t'est interdit de la prononcer. D'accord ? Donc, c'est dans le cœur. Donc, ça fait partie des œuvres du cœur. Donc, il y a les œuvres du cœur et les œuvres des membres. Les œuvres du cœur, hadith, sur les actes ne valent que par les intentions. Je vais donner un exemple, Madalane. Les œuvres du cœur, bah notamment la crainte, le fait d'avoir cette intention-là, de faire tel ou tel acte d'adoration, le revenir repentant vers Allah Azza wa Jal, s'en remettre à Allah Azza wa Jal, avoir la confiance en Allah Azza wa Jal, tout ça, ce sont les œuvres qui font partie du cœur, d'accord ? Et l'autre hadith, ce sont les œuvres du corps, telles que je prie, je donne la sadaqa, d'accord, par exemple. Barakallahu fik. Ça, ce sont sur ces points-là. Il y a un point ici qu'on avait déjà vu, qu'il avait expliqué préalablement, qu'il fallait, min fawaid al-hadith, annahu yajibu tamyiz al-ibadat ba'duha min ba'd. Qu'il faut que lorsque tu fais l'intention, tu différencies entre les adorations que tu fais. D'accord ? On se rappelle qu'on doit avoir ces trois points-là dans l'intention qu'on fait. Quel type d'adoration qu'on fait ? Salat ? Obligatoire ou nafila ? D'accord ? Voilà, est-ce que c'est une salat ? Est-ce que c'est un jeûne ? Est-ce que c'est une sadaqa qu'on va donner ? D'accord ? D'accord ? Puis, est-ce que c'est une obligatoire ou surrogatoire ? Et que c'est sincère pour Allah Azza wa Jal seul ? D'accord ? Et on se renouvelle cette intention-là. C'est pour ça qu'on a un peu un abus de langage lorsqu'on dit « renouvelle ton intention ». D'accord ? Mais il faut compléter à cela, que ton intention soit sincère pour Allah Azza wa Jal. D'accord ? Donc, on va s'arrêter là pour ce point-là de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dans les Fawaid. Parce qu'on peut encore continuer, il y en a, mashallah, beaucoup. Mais je pense que l'explication de Jaroubaïd est déjà, mashallah, bien expliquée. Et ça, c'est les fawaïd en plus, d'accord ? Donc, ce que dit le Cheikh Salih al-Sheikh, Hafidahullah, qui est un très grand savant de la sunna que j'apprécie énormément, et qui est très clair dans ses explications. Fanniya qisman, il dit qu'il y a deux types de niya, d'accord ? نية متعلقة بالعبادة ونية متعلقة بالمعبود. Il y a l'intention qui est liée avec l'adoration, et l'intention qui est liée à celui qui est adoré. فأما المتعلقة بالعبادة فهي التي يستعملها الفقهاء في الأحكام حين يأتون إلى الشروط. Donc l'intention qui est liée à l'adoration, à l'acte d'adoration, c'est celle qui est utilisée par les jurisconsultes dans les jugements lorsqu'ils viennent aux conditions, c'est-à-dire الشرط الأول النية. يقصدون بذلك النية المتوجهة للعبادة. Tout d'abord, l'intention qu'il considère que c'est l'intention qui est dirigée pour l'adoration. C'est le fait, ça inclut quoi ? C'est le fait de différencier les adorations les unes des autres. Tamyiz al-salat an al-siyam, ce qu'on venait de dire tout à l'heure. Le fait de différencier la prière du jeûne. تمييز الصلاة المفروضة عن النفل. Différencier la salat qui est obligatoire de la surérogatoire. يعني أن يميز القلب فيما يأتي ما بين عبادة وعبادة. C'est-à-dire ce que le cœur donc va faire, hein, qui doit différencier entre ça c'est une obligatoire et ceci c'est une surérogatoire. أتى المسجد وأرى أن يركع ركعتين ميز قلبه هاتين الركعتين هل هي ركعتا تحية المسجد أو هي ركعتا راتبة. Voyez, donc il a différencié, il vient, il prie deux rak'at. Son cœur doit différencier entre le fait que est-ce que c'est deux rak'at en tant que salutation de la mosquée ou est-ce que c'est deux rak'at ratiba, yani comment on pourrait est-ce que c'est le fait que ce sont des surérogatoires na'am qui que par exemple, il n'a pas eu le temps, lui, il était habitué à faire tel ton nombre de rak'at, par exemple, pendant la nuit, d'accord ? Et il lui manquait, par exemple, de rak'at, et il voulait les rattraper lorsqu'il était arrivé. Donc, lorsqu'il est rentré, il s'est dit, donc, soit je fais de rak'at de ratiba, ou soit je fais de rak'at de tahiyat masjid. Ou bien, il peut faire les deux, en se disant, ouais. Donc, il différencie entre les deux. Il différencie entre les deux, en tout cas. D'accord ? Ce qui n'est pas permis sur l'obligatoire. Ce qui n'est pas permis sur l'obligatoire. Naam. Là, ce qui veut dire. Tu peux joindre entre deux surérogatoires, d'accord, mais tu ne peux pas joindre entre deux obligatoires. D'accord. Comme on disait, notamment, tu ne peux pas joindre la salat obligatoire du dhuhr, tu ne peux pas la joindre, tu ne peux pas faire une seule salat de arba rak'at en disant je fais le dhuhr et l'asr en même temps. Tu vois ? Non. Donc tu es obligé de faire tout seul le dhuhr, tu es obligé de faire tout seul le asr, tu vois. Sur... Tu peux expliquer aussi la prière pour le grand lavage, pour le fard. Ben justement, je ne voulais pas le mentionner parce que je n'ai pas encore trouvé le temps pour... Moi, j'ai posé une question. Non. Donc on peut mettre la niya en fait dans deux surérogatoires. Naam. On peut pas dans deux obligatoires. Naam. On est d'accord. Ouais. Dans les deux surérogatoires qu'on fait, il y a le taslim entre les deux. Naam. Par exemple, si je suis en safar, ouais, je peux faire normalement en taqsir dhuhr et asr. Non, mais tu fais pas deux rak'at pour dhuhr et asr. Non, voilà. T'es obligé de faire la niya. Les deux surérogatoires, tu peux les faire qu'en une seule en mettant la niya des deux, c'est ça ? Surérogatoire, ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire. Hein. Je suis d'accord. D'accord, voilà. Mathalan, tu viens tahiyat al-masjid, ouais, tu peux avoir. Lui, pourquoi il insiste sur ça ? C'est dans l'intention, comment que tu distingues les choses. Ouais. T'es venu pour faire quoi ? Tahiyat masjid, ou bien t'es venu pour faire alors que tu peux, mathalan, faire et en y joindre deux surérogatoires, d'accord ? Mais là, deux obligatoires, dans l'exemple que tu donnes, il est en safar, d'accord ? Il est en voyage. Donc,